إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أما بعد. يقول الله عز وجل: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ويقول الله عز وجل: ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. الله سبحانه وتعالى dit dans son noble livre, selon le sens: et ceux qui offensent les croyants et les croyantes sans qu'ils l'aient mérité se charge d'une calomnie et d'un péché évident. Et il dit subhanahu wa ta'ala dans sourate An-Nisa: et quiconque acquiert une faute ou un péché, puis en accuse un innocent, se rend coupable alors d'une injustice et d'un péché manifeste. Wa yaqulu an-nabiyyu alayhi salatu wassalam: inna min arba ar-riba الاستطالة في عرض المسلم بغير حق، وهو حديث صححه الألباني رحمه الله تعالى. وقد أخرج الإمام أحمد والإمام أبو داود عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال. وردغة الخبال عصارة أهل النار. Le prophète عليه الصلاة والسلام dit, comme le rapporte l'imam Abu Daoud dans ses Sunan, selon Saïd ibn Zayd رضي الله عنه, que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit: une des pires formes de l'usure consiste à violer injustement l'honneur du musulman. Pourquoi le prophète alayhi salatu wassalam, dans ce hadith authentifié par Cheikh al-Albani rahimahullah, considère-t-il le fait de porter atteinte à l'honneur du musulman comme une des pires formes d'usure? Quelle est la relation entre l'usure et l'honneur? Les savants ont dit que l'usure est interdite car tu portes atteinte au bien de ton frère. Lorsqu'il te prête 100 euros et que tu lui demandes de t'en rendre 150, tu as porté atteinte à ses biens. Et les savants disent que l'honneur est plus sacré que les biens. L'honneur du musulman est plus sacré et plus important que son argent et les biens qu'il possède. Ainsi, de porter atteinte à son honneur est plus grave que de porter atteinte à ses biens. Ainsi, le prophète alayhi salatu wassalam a considéré le fait de s'en prendre à l'honneur du musulman comme étant l'une des formes les plus graves et les plus pires d'usure. Et dans le hadith d'Abdullah ibn Umar, rapporté par l'imam Ahmed dans son Musnad et l'imam Abu Daoud, dans ses Sunan, rahimahum Allah, il cite le hadith d'Ibn Umar dans lequel le prophète alayhi salatu wassalam dit: quiconque accuse un croyant d'une chose qui n'est pas vraie, alors Allah Azza wa Jal le fera demeurer dans la coulée de pu des habitants de l'enfer. Et il ne quittera pas cet état jusqu'à ce qu'il revienne sur ce qu'il a dit. Pourquoi, mes frères et sœurs, j'ai commencé par citer ces textes qui sont une menace très grave et très lourde qui pèse sur celui qui s'en prend à l'honneur de son frère musulman, que celui qui montre la gravité de celui qui offense le croyant alors qu'il ne le mérite pas. J'ai commencé par citer ces textes afin de montrer la gravité d'accuser les gens injustement, la gravité de parler sur les gens sans preuve, que celui qui a parlé injustement sur des personnes, qu'il s'empresse de revenir repentant vers Allah Azza wa Jal, et qu'il se rappelle sans cesse la parole d'Allah Azza wa Jal: وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. Et rappelez-vous le jour où vous serez tous ramenés vers Allah. Alors chaque âme sera pleinement rétribuée de ce qu'elle aura acquis. Celui qui a une preuve, qu'il parle avec justice sans suivre ses passions. Allah Azza wa Jal dit: فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. Il dit Azza wa Jal selon le sens: ne suivez donc pas les passions afin de ne pas dévier de la justice. Si vous portez un faux témoignage ou si vous le refusez, sachez qu'Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Vous n'êtes pas sans savoir, mes frères et sœurs, que l'éminent savant de l'islam, l'érudit Cheikh Mohammed Aman al-Jami, rahimahullah, et pour ceux qui ne le connaissent pas, cette conférence sera une occasion pour eux de connaître l'un des grands savants de ce siècle, rahimahullah. Cheikh Mohammed Aman al-Jami, rahimahullah, fait partie de ces savants qui sont la cible particulière des gens de l'innovation et des gens de la passion. Car il a été, rahimahullah, l'un des premiers à leur avoir fait face, l'un des premiers à démontrer leur ruse, leur stratagème, leur côté mauvais et répugnant. Il était, rahimahullah ta'ala, envers la jeunesse musulmane comme un père envers son jeune enfant qui ne manque jamais de lui prodiguer les meilleurs conseils. Mais ainsi est la sunna d'Allah Azza wa Jal envers ses serviteurs. Il les éprouve, subhanahu wa ta'ala. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا. Et tu ne trouveras jamais de changement à la règle d'Allah. Allah Azza wa Jal dit: أَلِفْ لَام مِيم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ألف لام ميم. Est-ce que les gens pensent qu'on les laissera dire nous croyons sans les éprouver? Parmi ces épreuves qui ont touché Cheikh Mohammed Aman al-Jami rahimahullah ta'ala, il y a les attaques des gens de l'innovation à son encontre et leur désir farouche de le décrédibiliser en utilisant n'importe quel moyen, et on le verra par la suite. Car chez ces gens-là, la fin justifie les moyens. Ils ont utilisé contre lui, rahimahullah, le mensonge, la calomnie, la falsification, les insultes et énumèrent ainsi de suite toutes sortes de procédés diaboliques, wal'iyadhu billah. Et les gens de l'innovation ne cessent jusqu'à nos jours. Les menteurs et les calomniateurs tentent aujourd'hui encore de s'en prendre à l'honneur de cet éminent savant, rahimahullah, 20 ans après sa mort. Parmi ces personnes, ce dénommé Ahmed Mikhtar, l'imam actuel du centre islamique de Villeneuve-d'Ascq dans le Nord. Cet individu qui a déversé son flot de paroles aussi purulentes que nauséabondes, des paroles tant mensongères que gravissimes sur ce noble savant Mohammed Aman al-Jami, rahimahullah. Cet individu a osé l'inimaginable. Des critiques, aussi mensongères les unes que les autres, ont été proférées sur le cheikh Mohammed Aman al-Jami, rahimahullah. Des critiques mensongères de toutes sortes et de toutes natures. Mais cette fois-ci, ce Ahmed Mikhtar a franchi un seuil jusque-là jamais atteint. Les paroles qui sont sorties de sa bouche et que vous allez entendre de vos propres oreilles sont dictées et poussées par une haine inouïe que cet individu renferme en lui. Des paroles que vous allez écouter, qui ont été dites sur un minbar, un jour du vendredi, dans une mosquée comble. Écoutez ces deux extraits de paroles de ce dénommé Ahmed Mikhtar. Il n'y a pas meilleure finalité si ce n'est celle voulue par Allah, enseignée par son messager, transmise par nos savants éminents, que nous avons vus de nos propres yeux aujourd'hui et reconnus qu'ils agissent dans cette communauté, walhamdulillah, non pas comme certains qui agissent contre cette communauté, pour la diviser, et pour la réduire, et pour l'affaiblir, comme certains pseudo-ulama liés à la secte de l'Jamiya, qui a eu naissance en 1983 en Arabie Saoudite, par l'Jami, la'natullahi alayhi, et qui a poussé à faire rentrer l'ennemi américain dans cette terre, pour diviser les musulmans et déclencher la première guerre du Golfe. Et jusqu'à aujourd'hui, elle a certaines têtes comme un serpent a plusieurs têtes. Et parmi ces têtes, celui qui s'appelle Rabi al-Madkhali, qu'Allah le détruise et qu'il se venge de la communauté musulmane contre lui, qui ne cesse de diviser les musulmans là où il se trouve. Lui et sa mouvance et sa secte, wal'iyadu billah. L'Arabie Saoudite est dirigée depuis 1983 par le dirigeant politique et le dirigeant religieux qui font partie d'une secte qui s'appelle Al-Jamiya. Et je le répète, Al-Arab, Dassou Ta'ilmo, Oseo Ta'ilmo, Obhto, je connais Yamaïa de Jamiya, ou je connais Wali Al-Aras de Jamiya Yo, Rabi Al-Madkhali d'Ammara Allah. وألجم لسانا لأنه يفرط المسلمين ولأنه يحف على الاستقامة بين المسلمين وإدخال علماء الإسلام في السجون فلا تستعوا لي أن يطلبون عليها خشى كريسر وفي أتنسيون ينسك في سفين الجامية depuis 1983 على سيسي de causer des problèmes aux musulmans, division, affaiblissement. Elle est à la cause principale de faire entrer les Américains dans ces terres de l'Arabie et qu'ils mettent leur armée, ce nouveau comme on va t'adros, comme a dit le Cheikh, Rahimahullah Ta'ala, Ya Qamoul pantalon. Il réduisant sa tenue vestimentaire du bas et laisse pousser sa barbe. Il rentre dans cette secte et tu le trouves comme l'a décrit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dort plus qu'il prie, il mange plus qu'il jeûne et il devient gros. Et il marche comme une machine devant les gens. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ça, ça fait partie des signes de la fin des temps. Que les hommes deviennent gros comme ça, de cette manière. Obèse. Obèse. Vous avez écouté les extraits de ces paroles de ce dénommé Ahmed Mikhtar. Qui est-il ? Ahmed Mikhtar, c'est l'imam actuel, comme je l'ai dit tout à l'heure, du centre islamique de Villeneuve-d'Ascq dans le Nord. Il obtient un diplôme à l'école des beaux-arts de Tourcoing. Et il obtient une maîtrise en histoire de l'art à l'université de Lille 3. Il a ensuite perfectionné son apprentissage, entre guillemets, à l'Institut européen des sciences humaines de Château-Chinon. Autrement dit, le centre de formation des frères musulmans. Et il intervient au grand malheur, et je le dis haut et fort, au grand malheur des musulmans sur la chaîne Iqra française. Il a été questionné dans le journal Nord Éclair, quel est votre courant spirituel ? Et il répond, j'ai beaucoup appris dans une confrérie à Rabat auprès d'un maître soufi dont j'étais très proche. Et pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un maître et ce qu'est un mourid dans le jargon des soufis, qu'il se renseigne et il en sera étonné et ébahi. Il est questionné dans ce même journal, dans ce même interview, peut-on être musulman et laïque ? Il répond, bien sûr. Je me retrouve complètement dans la laïcité en France, puisqu'elle me permet d'être imam. Sans commentaire et sans transition, nous passons directement aux choses sérieuses et nous commençons par une brève biographie du grand savant Cheikh Mohammed Aman Al-Jami rahimahullahu ta'ala. Et vous allez voir, lorsque l'on va parler de sa biographie, qu'elle est incomparable à celle de cet individu. Son nom, rahimahullah, est Mohammed Aman ibn Ali al-Jami, rahimahullah ta'ala. Sa kunya est Abu Ahmed. Son pays d'origine est l'Éthiopie. Il était originaire, rahimahullah, plus précisément, du village appelé Tarat-Tab. Il est né, rahimahullah, en l'an 1349, correspondant à l'année 1930 grégorienne. Le cheikh rahimahullah a grandi dans ce village appelé Taratab, dans lequel il a mémorisé le Coran dans sa totalité. Il a ensuite étudié la langue arabe ainsi que les livres traitant de la jurisprudence chafi'ite, comme cela était à l'accoutumée dans les pays d'Afrique et d'autres d'ailleurs. Les gens étudient et étudiaient les livres de fiqh du madhhab le plus répandu dans leur pays. Puis il a quitté, rahimahullah, son village pour se rendre dans un autre village dans lequel il a appris de nombreuses sciences, dans lequel également il rencontrera celui qui sera son compagnon dans l'apprentissage et dans son voyage par la suite vers l'Arabie. Tous deux, Cheikh Mohammed Aman al-Jami, rahimahullah, et son compagnon avaient l'immense envie de se rendre à la Mecque pour y accomplir le pèlerinage et pour y apprendre la science islamique. Ils ont quitté l'Éthiopie en direction de la Somalie. Ils ont ensuite traversé la mer en bateau

mosquée@villeneuvedascq.fr. Le tout attaché en minuscule, sans point ni tiret. Mosquée, mosquee@villeneuvedascq.fr. Ou de leur envoyer une lettre écrite par courrier à l'adresse suivante, Centre islamique de Villeneuve-d'Ascq, rue Baudouin 9, 59650, Villeneuve-d'Ascq. De même que je vous appelle à condamner ces propos auprès de la mosquée Bilal de Roubaix, dont vous pouvez trouver les coordonnées sur Internet, dans laquelle ce Ahmed Mikhtar a prononcé le deuxième discours dont vous avez entendu un extrait. Je vous invite également à condamner ces paroles auprès de la chaîne Iqra française en envoyant un mail à l'adresse suivante iqratv2@iqra.com, iqratv2@iqra.com, ou de leur envoyer un message sur Twitter à l'adresse @iqratv France, iqratv France. Bien sûr, dans le respect, en condamnant fermement ces paroles, en donnant victoire à la voix des salafs et en demandant à ce que l'honneur de Cheikh Mohamed Aman al-Jami, rahimahullah, et l'honneur de Cheikh Rabi ibn Hadi al-Madkhali soit restauré. Nasallallahu azza wa jal an yufaqihana fi dinina wa an yuallimana ma jahilna wa an yuthabbitana ala al-haqqi ila an alqah. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu fikum.